Into this are we born, into the world we blown, like a dog without a bone, an actor all alone, right is the killer and the moon. Holiday, let the children play. Oh yeah, take a long, long, long, long, long, long, long, long holiday. Let your children de situation. Nous sommes capables. holiday, holiday, yeah, we are about to create a holiday. Transition intercontinentale. Passer. C'est pas que tu sois content pourtant. Tu es content, t'es content. C'est pas que tu sois content, mais tu t'en contentes. Tu consens. T'es content, c'est pas que tu sois content. T'es pas depuis le temps. T'es content, tu le sais, t'es content. Tu consens depuis le temps. Tu consens. C'est contentement et on t'est. Tu le sais, tu le sens, mais tu t'en contentes. Consentement. sais, tu le sens. Dans le sang. T'en contente, mais qu'est-ce qu'on est, mais qu'est-ce tu t'en Renard enragé, un renard engagé dans la population. Humains. petit à petit coloniser sa vallée. Le renard glacé doit partir trouver une autre terre, apprivoiser, ou se laisser apprivoiser, se contenter des restes des humains, se faire acheter, prendre le temps dépendant, alors, se rendre dépendant, c'est pourquoi glacer. Il reste à la lisière de la forêt, petit renard, pas. Il reste derrière les feuillages, même l'été, quel tiroir, quand la neige a fondu. M'as-tu bien plié, m'as-tu laissé, dans quel renard, cher petit renard. Où m'as-tu laissé? Sur les marches du palais, des marches du palais, hostile de grâce, merci pour tous ces moments. Quelques hospices, le cric. J'ai raconté l'histoire du cric. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Aou, aou. Sur la plage abandonnée. Aou, aou. Yeah, we have all the love about the year.